မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးကိုလူဖြစ်နေတွေ့ကြမှာတွေ့ကြဝန်ကြီးနောင်ဆိုရင်ညညာပြောခဲ့တဲ့တိတ်္ခာ၃ပါးပြည့်စုံအောင်ကျင့်ထားခြင်းတာပဲလို့ဒါကြောင့်တိတ္တတိတ်္ခာရဲ့သမာဓိတိတ်္ခာရဲ့ပညာတိတ်္ခာရဲ့ Donc comme le vénérable l'avait expliqué hier soir, comme nous avons pris renaissance en tant qu'être humain dans cette vie et que nous avons eu la chance de rencontrer l'enseignement du Bouddha, le Bouddha Sasana, cela est une très précieuse opportunité. Et pour pouvoir vraiment profiter pleinement de cette précieuse opportunité, eh bien, il est très important que nous nous entraînions à trois pratiques. À l'entraînement à Sila, la moralité, l'entraînement à la concentration, samadhi, et là, l'entraînement à panya, à la connaissance, la sagesse, panya. C'est-à-dire les trois entraînements en pali, sila sikha, samadhi sikha et panya sikha. Donc, la pratique de sila sikha, l'entraînement à la moralité ou la conduite éthique, consiste en l'observance des préceptes. Il y a par exemple 5 préceptes que l'on peut observer, 8 préceptes, ou même, si l'on est désireux, 9 préceptes. Mais au moins, en tant que laïque, il est nécessaire d'observer au minimum les 5 préceptes de base. Donc les 5 préceptes consistent en: premièrement, ne pas prendre la vie, c'est-à-dire ne pas tuer. Deuxièmement, ne pas prendre ce qui n'est pas volé, de ne pas prendre ce qui n'est pas donné, donc de ne pas voler. Troisièmement, de ne pas avoir de conduite sexuelle illégitime. Quatrièmement, de s'abstenir du mensonge. Et cinquièmement, de s'abstenir de prendre toute substance intoxicante. Donc ces 5 préceptes de base, eh bien tout le monde devrait les observer. C'est vraiment la base de toute valeur humaine. Donc dans le cadre de cette retraite, on peut observer également 8 préceptes. Les 8 préceptes consistent dans des 5 préceptes de base. Et le troisième précepte, au lieu de s'abstenir de conduite sexuelle illégitime, ce précepte-là est remplacé par la chasteté, par l'abstinence de relations sexuelles. Ensuite, le sixième précepte consiste à ne pas prendre de nourriture solide après midi. Le septième précepte consiste à s'abstenir de tout divertissement, et comme par exemple regarder la télé, écouter la musique, etc. Et également de ne pas s'embellir avec des parfums, maquillage, etc. Le huitième précepte consiste à s'abstenir d'utiliser des sièges et des lits luxueux. Donc hier, nous avons pris même 9 préceptes, un précepte supplémentaire qui consiste à développer un esprit de bienveillance, d'amour inconditionnel pour tous les êtres vivants. Ainsi, notre sila, moralité, est très élevée. Donc, ainsi, dans le cadre de cette retraite, non seulement nous allons observer les 5 préceptes de base, mais en plus, 4 autres préceptes, ce qui fait que notre sila, notre moralité devient très pure, très raffinée, et cela va donc nous aider dans la pratique de la méditation. Donc ainsi, hier soir, en ayant pris les préceptes, eh bien on peut dire que nous sommes parfaitement accomplis dans l'entraînement à la moralité, sila, sikha. En s'abstenant de ne pas prendre la vie, en s'abstenant de ne pas prendre ce qui n'est pas donné, en s'abstenant de toute relation sexuelle, en s'abstenant de ne pas mentir, en s'abstenant de ne pas prendre de produits intoxicants, etc., eh bien, notre comportement au niveau du corps et de la parole devient civilisé, raffiné. Cependant, notre esprit encore peut rester sauvage et reste indompté. En effet, avec la pratique de sila, la moralité, avec l'entraînement à la conduite éthique seulement, sila sikha, notre esprit, bien que notre conduite au niveau du corps et de la parole puisse être purifié, notre esprit encore peut être non civilisé. C'est pourquoi il nous faut davantage pratiquer et nous exercer à l'entraînement, à la concentration. Samadhi Sikha. Le Bouddha a enseigné plusieurs méthodes afin de développer la concentration. Parmi ces méthodes, certaines consistent dans Samatha, le développement de la tranquillité. Le Bouddha a enseigné à peu près 40 méthodes de pratique de la méditation de la tranquillité, Samatha. Par exemple, Buddha Nusati, la contemplation des vertus du Bouddha, ou Metta Bhavana, la radiation de l'amour inconditionnel envers tous les êtres, ou encore la contemplation de l'aspect répugnant du corps, Asubha Bhavana, ou encore des méditations qui prennent pour objet de concentration l'élément terre ou l'élément eau ou l'élément air, etc. Donc tout cela sont des exemples de pratiques de la méditation de tranquillité Samatha. Ici, la méthode que le Vénérable va vous exposer est la pratique de la méditation telle qu'elle a été enseignée par feu le Vénérable Mahasi Sayado, qui prend pour objet d'observation la respiration au niveau de l'abdomen. Lors de l'inspiration, il va y avoir un mouvement d'expansion, de soulèvement au niveau de l'abdomen. Lorsque l'on inspire, il y a un mouvement naturel de déflation, un mouvement d'abaissement de l'abdomen. Donc, il suffit tout simplement d'appliquer notre attention à l'abdomen et d'observer donc ces sensations et ces mouvements qui se produisent dans l'abdomen au moment de l'inspiration et de l'expiration, depuis le début de l'inspiration jusqu'à la fin de l'expiration, et donc depuis le début du mouvement de soulèvement jusqu'à la fin du mouvement de soulèvement, de suivre précisément le début de l'abaissement de l'abdomen jusqu'à la fin de son abaissement. Donc à chaque moment où notre esprit peut rester ainsi, attentif au mouvement de l'abdomen, au mouvement d'expansion et de déflation, au mouvement de soulèvement et d'abaissement, à chaque moment où l'esprit est ainsi avec l'objet, eh bien l'esprit ne part pas en errance, il ne vagabonde pas. Donc à ce moment précis-là, la concentration se développe. Pendant l'observation des mouvements de l'abdomen, nous n'avons pas besoin de respirer de façon forcée ou de ralentir de façon non naturelle. Il suffit juste de respirer de façon naturelle, de façon normale, et donc de suivre le mouvement de l'abdomen. Si par contre, à ce moment-là, les mouvements de l'abdomen, les sensations ne sont pas claires, évidentes, vous pouvez dans ces cas-là mettre la main sur le ventre pour mieux ressentir les sensations et les mouvements de l'abdomen. Il suffit tout simplement d'appliquer l'esprit au mouvement de l'abdomen, depuis le début du soulèvement ou de l'inflation, de l'expansion, jusqu'à la fin du mouvement, à la fin du soulèvement, de l'expansion. De la même façon, quand le ventre se soulève, eh bien, il suffit tout simplement de suivre ce mouvement depuis le début du soulèvement jusqu'à la fin du soulèvement. Cette observation des phénomènes physiques s'appelle contemplation du corps ou contemplation des objets physiques. C'est la première des fondations des quatre fondements de l'attention. Pendant l'observation de l'objet principal, des mouvements au niveau de l'abdomen, il se peut que votre esprit se mette à vagabonder, à penser à diverses choses. À ce moment-là, il vous suffit tout simplement de prendre cela comme objet d'observation et de les noter. Par exemple, si vous voyez que votre esprit arrive chez vous, et bien dans ces cas-là, vous pouvez noter arriver. Si vous voyez parler à quelqu'un, vous pouvez noter parler. Quand il s'agit de noter, cela veut dire que vous prenez comme objet d'observation ses pensées, que vous appliquez votre esprit, que vous les observez et que vous pouvez associer à ce moment-là ce que l'on appelle un étiquetage mental. Cela veut dire que dans votre esprit, vous pouvez vous dire silencieusement « penser, penser, penser » ou « parler, parler, parler ». Qu'il se peut dans le cours de votre des pensées discursives que vous voyez par exemple rencontrer quelqu'un ou discuter avec quelqu'un, eh bien tout cela également peut être l'objet d'observation. Il vous suffit donc d'observer ces pensées et de noter par exemple penser, penser ou rencontrer, rencontrer ou parler, parler. Ici, quand on dit noter, contempler, observer, ce sont tous des mots pour la même chose, c'est-à-dire l'observation. Il se peut aussi que lorsque vous avez des pensées et que vous les observez, il se trouve après, il peut y avoir un sentiment de satisfaction qui surgit de ces pensées. À ce moment-là, si ce sentiment de satisfaction est clair à l'esprit, eh bien, vous pouvez le prendre comme objet d'observation et noter satisfait, satisfait, satisfait. Ou bien ce sont des pensées qui font surgir la colère, l'irritation. À ce moment-là, si vous avez conscience du sentiment d'irritation, de frustration, de colère, eh bien, observez ces sentiments-là. Et notez, irrité, irrité, colère, colère, etc. Donc, il est très important d'observer, de noter avec précision tous ces objets qui apparaissent. Et quand ces pensées, ces émotions disparaissent, eh bien, tout simplement, revenez à l'objet principal, à la respiration abdominale, aux sensations et mouvements au niveau de l'abdomen. Dans l'observation de ces pensées, il vous suffit de noter seulement le verbe ou l'action qui est observée. Par exemple, si vous vous voyez arriver chez vous ou arriver au travail, eh bien, il vous suffit d'observer cette pensée-là et de la noter avec un étiquetage mental tel que « arriver, arriver ». Ou si vous rencontrez quelqu'un, rencontrez, rencontrez. Ce n'est pas la peine de rajouter arriver à la maison ou arriver au travail ou voir telle personne ou telle autre personne. Ce n'est pas le contenu qu'il faut observer, mais juste le processus de la pensée. Donc, il y a quatre fondements pour l'attention, pour le développement de l'attention. Parmi les quatre fondements de l'attention, l'observation des pensées s'appelle contemplation de l'esprit, citta nupassana. Pour la plupart des yogis, ce sont ces pensées qui seront très nombreuses au début de la pratique. Et c'est pourquoi nous allons beaucoup les observer, et plus nous pourrons les observer et les contempler efficacement, plus notre concentration pourra se développer. Lors de la pratique de l'assise, il se peut aussi qu'à un moment, nous ressentions des sensations désagréables, des douleurs. Il peut y avoir des douleurs dans une partie du corps, voire plusieurs, ou voire même dans le corps entier. À ce moment-là, il nous suffit tout simplement de prendre ces sensations désagréables, ces douleurs, comme objet de contemplation. Et de noter, d'associer l'étiquetage mental, mal, mal, mal, ou douleur, douleur, douleur. Si ces sensations désagréables, douloureuses apparaissent de façon très prédominante et très persistante, il nous suffit dans ce cas-là de rester avec. Nous n'avons pas besoin de revenir sur l'objet principal, les soulèvements et l'abaissement de l'abdomen. Il nous suffit de rester tout simplement avec ces douleurs tant qu'elles persistent et de les observer précisément. S'il y a à un moment donné plusieurs, non pas une seule douleur, mais plusieurs douleurs qui apparaissent en même temps à des endroits différents, eh bien nous devons choisir la douleur qui est la plus prédominante, l'endroit qui fait le plus mal, et appliquer notre attention à ce point le plus douloureux et noter douleur, douleur, douleur. À ce moment-là, la douleur peut s'intensifier. Elle peut même devenir pratiquement insupportable. Il est très important à ce moment-là de faire preuve de patience et de la noter avec précision en essayant de ne pas trop bouger. Bien sûr, il se peut que la douleur s'intensifie tellement qu'en effet, il arrive à un point où nous ne pouvons vraiment plus la supporter. À ce moment-là, bien sûr, nous pouvons changer de position pour soulager la douleur. Avant de changer la position, il nous faut alors observer avant l'intention de changer la position et d'en prendre note et d'étiqueter mentalement, par exemple, désir de changer, ou intention de changer, intention de bouger. Ensuite, nous bougeons les mains, les pieds, etc. À ce moment-là, eh bien, il nous faut également observer avec attention tous les mouvements qui sont impliqués dans le changement de position. Donc, dans l'observation de ces douleurs-là, donc, avant de bouger, donc, nous devons donc observer l'intention de bouger, en notant donc envie de bouger, envie de bouger, envie de bouger. Il se peut que quand nous observions cette intention, elle disparaisse et que finalement nous n'ayons plus envie de bouger. Donc à ce moment-là, nous continuons à observer soit la douleur ou si elle n'existe plus, le soulèvement de l'abdomen. Par contre, si le désir de bouger persiste, eh bien donc, comme le Vénérable l'a expliqué, nous bougeons et nous observons donc tous les mouvements impliqués dans le changement de position. Comme par exemple, le bras qui s'étire ou le bras qui se replie, la jambe qui est dépliée et la jambe qui se replie. Donc tous les mouvements qui sont effectués doivent être contemplés avec précision. Ensuite, quand nous avons fini notre changement de posture, eh bien nous pouvons revenir soit sur la douleur, si elle est encore persistante, ou sinon, si elle a disparu, sur l'objet principal, les mouvements et sensations au niveau de l'abdomen. Donc parmi les quatre fondements de l'attention, l'observation de ces sensations, désagréables en l'occurrence, rentre dans ce que l'on appelle la contemplation des sensations, Vedana Nupassana. Donc pendant notre assise, il se peut, pendant que notre pratique de la méditation, il se peut aussi que nous voyons dans notre esprit des images, que des images surgissent, ou que nous entendions des sons, ou que nous sentions des odeurs, ou qu'il y ait des goûts qui apparaissent au niveau de la langue, ou qu'il y ait des sensations tactiles qui soient claires à ce moment-là. Eh bien, à ce moment, il suffit de prendre ces objets comme objets d'observation. Donc, par exemple, si une image surgit, vous pouvez observer et noter « voir, voir, voir ». Si c'est un son qui est entendu, vous pouvez l'observer, le noter entendre, entendre, entendre. Si c'est une odeur, sentir, sentir, sentir. Si c'est quelque chose qui est goûté, goûter, goûter, goûter. Si c'est une sensation tactile, toucher, toucher, toucher, etc. Il n'est pas nécessaire d'observer des sons ou des odeurs, des objets qui apparaissent de façon persistantes, qui sont toujours là en arrière-plan, comme par exemple le tic-tac d'une aiguille, de l'aiguille d'une montre, ou une odeur de cuisine qui serait toujours latente dans la pièce. Seulement si c'est un bruit très prédominant qui arrive et qui disparaît, ou une odeur très prégnante, à ce moment-là seulement, on peut la prendre, il est intéressant de la prendre comme objet d'observation. Donc dans le cas de ces sons qui sont là en arrière-plan et qui sont là de façon continue, comme le tic-tac d'une aiguille ou comme le bruit d'un moteur en arrière-plan, eh bien, essayez de développer une attitude équanime par rapport à ces sons. Soyez indifférent, ne prêtez pas attention à eux. À ce moment-là, vous pouvez donc observer voir, voir, voir, ou entendre, entendre, entendre, et associer l'étiquetage mental deux ou trois fois. Donc voir, voir, voir, entendre, entendre, entendre. Et ensuite, vous pouvez retourner à l'objet principal, qui est en l'occurrence soit le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, ou si vous étiez en train d'observer la douleur, eh bien retourner sur la douleur. Donc l'observation de ces phénomènes, de ce qui est vu, de ce qui est entendu, de ce qui est senti, etc., s'appelle contemplation des dhammas, dhamma nupassana. Donc pour l'instant, les instructions que le Vénérable a données sont pour la pratique de la méditation en assise. Il y a également la méditation en marche. Lors de la méditation en marche, l'objet principal devient les mouvements des pieds. Donc, par exemple, le pied droit s'avance et donc vous observez le mouvement du pied droit. Le pied gauche s'avance et donc vous observez le mouvement du pied gauche. Pied gauche, pied droit. Ainsi, vous pouvez associer la note mentale gauche, droite, gauche, droite. Donc ceci, c'est la marche méditative en un temps, gauche, droite. Ensuite, il y a un deuxième type de marche méditative qui est la marche méditative en deux temps, où là, le pas est décomposé et vous pouvez observer le soulèvement du pied et ensuite l'abaissement du pied, en notant soulèvement et puis abaissement. Quand le pied se lève, observez vraiment le soulèvement du pied qui se décolle du sol au fur et à mesure. Et vous pouvez donc associer la note mentale, soulever, soulever, ou lever, lever. Et ensuite, au fur et à mesure que le pied se pose sur le sol, d'essayer de vraiment suivre le mouvement du pied, de sentir vraiment les différentes sensations qui pourraient se produire. Et à ce moment-là, donc, vous pouvez associer la note mentale, poser, poser, poser, ou abaisser, abaisser, abaisser, comme cela vous convient. Il y a également la méditation en marche en trois temps, qui est plus détaillé, et là on commence à décomposer le mouvement du pied en trois temps. Le premier, c'est donc le lever du pied, ensuite l'avancée du pied et enfin la pose du pied. Observez bien le soulèvement du pied depuis le décollement du pied et au fur et à mesure le pied qui s'élève dans l'air. Suivez bien ce mouvement là, ressentez bien les sensations. Et donc, vous pouvez au début donc associer la note mentale, lever, lever, lever, lever. Ensuite, le pied s'avance et là, vraiment, prenez pleinement conscience du mouvement du pied qui s'avance au fur et à mesure. Et donc, associer la note mentale, avancer, avancer, avancer. Et ensuite, le pied va s'abaisser au fur et à mesure. Et donc là, prenez vraiment pleinement conscience du mouvement du pied qui s'abaisse au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il touche finalement le sol. Et bon, vous pouvez noter abaisser, abaisser, poser, poser, comme cela vous convient. Donc dans la pratique de la méditation assise, nous essayons de suivre les mouvements de l'abdomen depuis le début de leur apparition jusqu'à la fin. Depuis le début du soulèvement jusqu'à la fin du soulèvement, depuis le début de l'abaissement jusqu'à la fin de l'abaissement. Nous essayons vraiment d'appliquer notre esprit à l'objet, de l'y coller. De la même façon, dans la pratique de la marche méditative, nous allons nous efforcer à appliquer notre esprit de façon la plus étroite possible avec l'objet. Donc depuis le début de la levée du pied jusqu'à la fin de la levée du pied, depuis le début de l'avancement jusqu'à la fin de l'avancement du pied et depuis le début du mouvement de pose du pied jusqu'à la fin de la pose du pied. Le premier type de marche méditative, celui qui consiste en un temps, c'est-à-dire droite, gauche, droite, gauche, peut être pratiqué lors par exemple de déplacements de votre chambre aux toilettes, des toilettes à la salle à manger, etc. Donc c'est une façon générale d'observer les pas. Ensuite, lors de la pratique de la méditation en marche, des temps de méditation en marche, vous pouvez consacrer votre temps à observer la marche méditative en deux temps et en trois temps. Ceci, ce sont les instructions pour la marche méditative. Ensuite, il y a également toutes les activités quotidiennes, toutes les activités de la journée. Ces activités également sont l'objet de l'observation de la pratique de la méditation. Comment faire? Il nous suffit tout simplement d'observer toutes ces activités. Par exemple, quand on s'habille et tous les mouvements, toutes les sensations qui se produisent quand on s'habille, quand on met ses chaussures, quand on ouvre une porte, quand on ferme une porte, quand on lève un bras, quand on déplie le bras pour prendre une tasse de café, etc. Donc en fait, tous les mouvements de la vie quotidienne doivent être également observés et contemplés. Nous pouvons en particulier observer le moment de nos, ou le moment où nous mangeons. Quand nous prenons les repas, nous pouvons ainsi observer tous les mouvements et tout ce qui se passe au moment des repas. Donc, quel que soit l'endroit, quelle que soit l'activité, nous pouvons observer ce qui se passe. Par exemple, dès le matin, depuis le réveil, nous pouvons également commencer à pratiquer la méditation et à noter. Nous pouvons par exemple noter, réveiller, prendre conscience de cet état de réveil. Ensuite, nous pouvons quelques secondes, quelques instants, revenir sur l'abdomen et noter soulèvement, abaissement de l'abdomen. Ensuite, nous nous levons, nous pouvons observer également ces mouvements, nous plions notre couverture, nous allons nous lever, nous diriger vers la salle de bain, nous allons aller aux toilettes, nous allons nous laver la figure, etc. Donc tout cela peut être également observé, doit être observé. Sayado donc a exposé la manière de pratiquer en assise, dans la marche et dans les activités quotidiennes. Donc ainsi, en développant l'attention dans ces trois types de méditation, nous nous entraînons à développer la concentration. Samadhi Sikha. De cette façon-là, nous sommes accomplis dans l'entraînement à la moralité, Sila Sikha. Nous sommes en train de nous entraîner au développement de la concentration, Samadhi Sikha. Et quant à Panya Sikha, l'entraînement à la connaissance ou la sagesse, eh bien, elle va découler des deux entraînements précédents, Sila et Samadhi Sikha. Donc ainsi, en nous entraînant à ces trois pratiques, Sila, Samadhi et Panya Sikha, l'entraînement à la moralité, à la concentration et à la sagesse, quand ces trois entraînements deviennent complètement, viennent à maturité, eh bien on peut dire que nous sommes parfaitement accomplis avec le Dhamma et que nous avons profité pleinement de cette précieuse opportunité qu'est cette renaissance humaine et cette rencontre avec l'enseignement du Bouddha, atteignant ainsi la sagesse suprême, le Nibbana. Mais même si nous ne pouvons pas dans cette vie atteindre le but final, atteindre la libération ultime, même si nous n'atteignons que l'un des premiers stades d'éveil, le premier stade d'éveil étant le Sotapatti Magga, le chemin de celui qui est rentré dans le courant, eh bien cela sera déjà très réjouissant. Avec l'entrée dans le courant, le premier stade d'éveil, cela nous protège et nous ne pouvons plus retomber dans les états d'existence de misère. Aussi, le Vénérable nous encourage tous à pouvoir pratiquer ces trois entraînements, Sila, Samadhi et Panya Sikha, de sorte à pouvoir réaliser notre but désiré. Sadhu, sadhu, sadhu.